En revenant de Nantes, où il y avait le marché, j'ai rencontré Auguste, qui avait l'air embêté. Il m'a dit faut que je cause dans un petit coin discret. Alors je l'ai suivi derrière une futaie. Il m'a dit faut que je t'explique une peu banale histoire. Je suis branché, je me pique, je suis venu loubar. Et pour avoir du fric, pour acheter ma camelote, je braque des mecs comme toi, je ne connais plus mes potes. Moi j'y ai dit coulos, faut pas se piquer comme ça. Je connais un prix moins triste, tu devrais faire comme moi. Depuis quelques semaines, je suis branché Krishna. Regarde sous mon béret, si tu ne me crois pas. Il me dit c'est vraiment dur, ce qui se passe en ce moment. Même les patrons de bistrot, il faut qu'ils se mettent en grève. Mais je connais Ferguson, qui est un type épatant. Depuis la Saint-Médard, il est devenu New Wave. Il a l'air paumé à côté de ses pompes. Moi j'en ai profité avant qu'il fauche mes sapes. Je lui ai filé un coup de trique sur la nuque. Faut dire que tout à coup j'étais devenu punk.